Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui, en ce samedi, pour le troisième numéro de cette nouvelle saison de À la rencontre d'auteurs. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais reçu par téléphone Delph Hine qui était là pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois, qui était là par téléphone bien sûr. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro de cette nouvelle saison de À la rencontre d'auteurs, je reçois par téléphone une nouvelle fois une autre romancière, Laura Vaisseau, qui est là pour nous parler de son ouvrage Dessine-moi un enfant. Bonjour Laura. Bonjour, je suis ravie d'être là. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour parler de mon livre et parler de l'histoire qui en découle. Parfait. Pas trop stressé, ça va? Non, ça va. Bah, c'est la première émission de radio, donc j'avoue que je peux cafouiller peut-être parfois un petit peu, mais bon. Bon, t'inquiète, on cafouille tous, même moi. Donc avant de commencer à parler de ton ouvrage Dessine-moi un enfant, je pose toujours cette même question à mes invités, et ce, quelle que soit l'émission, afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent déjà te connaître un petit peu. Peux-tu te présenter en quelques mots? D'accord, bah tout à fait. Bah, moi, je m'appelle Laura Vaisseau, donc grand scoop, je suis écrivain, mais pas que. En fait, je suis passionnée par tout ce qui est artistique depuis toujours, donc ça peut être évidemment l'écriture, mais c'est aussi la peinture, la photographie. Et dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure technico-commerciale. Donc ça fait beaucoup plus sérieux. Mais je suis amenée à rencontrer les acteurs du monde de demain et à évoluer avec différentes entreprises et différents corps de métier. Et aussi, petite info, j'ai 26 ans. Enfin, 27 maintenant que ça a été mon anniversaire. Mmh. Et je débute ma carrière d'auteur et j'espère continuer encore longtemps dans cette voie-là. Oui, parce que n'oublions pas, on peut préciser que ce roman Dessine-moi un enfant, c'est ton tout premier roman. C'est ça, oui. C'est mon tout premier roman. Donc j'ai choisi pour ce premier roman de commencer dans le genre du thriller. Mmh. Parce que c'était un genre qui me tenait à cœur et c'est un de mes genres préférés en lecture, donc c'était assez logique que ça le soit aussi en écriture. Ah, en plus, un premier roman quand même de près de 700 pages. Donc, Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un roman qui est assez long, qui peut faire peur au lecteur à première vue, mais il ne faut pas du tout s'arrêter à la longueur du roman. Parce que c'est un roman qui est plein de rebondissements, où il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Donc oui, il est long, mais il s'y passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que comme c'était mon premier roman, je ne me suis pas rendu compte au départ, quand j'ai écrit l'histoire au départ sur mon ordinateur, que c'était un roman que ça allait représenter autant une fois imprimé. Comme quoi, mais oui, mais donc justement, ce roman de 700 pages, combien de temps tu as mis pour l'écrire? Donc là, c'est un peu la question joker pour moi. J'ai mis assez longtemps. En fait, j'ai démarré l'écriture de Dessine-moi un enfant à la fin de mes études. Mmh. Et j'ai mis en tout entre les phases d'écriture, de correction, de bêta-lecture, etc. Il y a eu certaines phases qui étaient assez longues. J'ai mis pratiquement 3 ans à l'écrire, avec évidemment des pauses. Mais maintenant, j'ai acquis la technique d'écriture et je suis beaucoup plus rapide pour les romans à venir. Là, je suis en train de travailler sur un autre roman et je vois que j'avance beaucoup plus vite que pour le premier. C'est bon signe, je pense. Ben oui, je pense aussi. Et donc du coup, ton prochain roman là, sur lequel tu es en train de travailler, ça sera pareil dans le domaine du thriller? Non, là, ça sera dans le domaine du feel good. Parce que j'avais envie en fait d'essayer tout simplement un nouveau genre, de forger ma plume avec différents types d'écriture, différents types de livres. Et c'est très intéressant comme exercice de diversifier les genres pour, au départ, comme à la manière d'un peintre qui va tester, gérer sa palette et tester ses techniques, là c'est la même chose, c'est tester les techniques d'écriture à travers différents genres littéraires. Et c'est vrai que c'est des genres qui sont très différents, mais qui malgré tout sont assez complémentaires et qui permettent, je dirais, d'avoir de balayer le spectre de l'écriture. J'aimerais bien aussi tester après ça d'autres genres, mais je pense me concentrer sur ma carrière d'auteur à venir, plutôt sur deux genres que j'affectionne particulièrement, donc le feel good et le thriller. D'accord. Donc oui, donc tu espères un jour, tu espères pouvoir vivre de l'écriture. Oui, tout à fait, oui, c'est mon objectif. C'est vrai que je commence plancton dans le monde de l'écriture et je suis face à des poissons de toute taille, voire à des baleines, des poissons beaucoup plus gros, enfin des mammifères beaucoup plus gros. Et petit à petit, enfin, je pense que c'est mon cas, mais c'est aussi le cas d'autres écrivains qui, comme moi, débutent ou qui ont envie de se lancer. On commence petit et au fur et à mesure, on grandit. Et c'est ça qui est magique de se faire de plus en plus connaître, d'avoir des retours de lecteurs de plus en plus et de pouvoir justement échanger, comme on le fait aujourd'hui tous les deux. Bien sûr, oui, je suis d'accord, parce que comme tu le sais, peut-être, je fais également partie du monde de l'écriture sur les réseaux sociaux. On a, enfin, sur un réseau social, on est sur un groupe en commun, il me semble. Donc, je fais également partie de l'écriture et je suis d'accord avec tout ce que tu racontes. C'est plutôt, c'est vrai, avoir des retours, ça nous permet de nous construire et d'évoluer, d'enlever ce qui pourrait être mauvais et de, pourquoi pas, installer d'autres choses qui pourraient peut-être être meilleures. Oui, bien sûr, je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de l'écriture, c'est que au fur et à mesure des romans, on apprend et on découvre aussi toujours des nouveaux univers, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, et ça permet de créer à l'infini. Moi, c'est ce que j'adore dans l'écriture, c'est qu'on est un peu des créateurs d'un monde, des créateurs d'une intrigue, des créateurs de personnages qui deviennent au fur et à mesure du temps et du roman, pratiquement des sortes d'amis. On a l'impression de les connaître comme on connaît, nos amis. Bien sûr, et on a aussi parfois envie de gifler certains personnages, comme dans Dessine-moi un enfant. C'est ça, oui. Dans Dessine-moi un enfant, il y a certains personnages, je pense notamment au commandant Eric Pilton, qui est assez particulier, mais je pense que c'est ce qui va faire la richesse du roman, qu'on va avoir des personnages où on va avoir de l'empathie pour eux, on va s'attacher, on va éventuellement s'identifier en partie du moins à eux, et il y en a d'autres qu'on a envie juste d'étrangler, façon de parler, comme certains personnages et comme le fameux commandant Pilton dans mon roman. Ah, tout à fait, je peux t'assurer que quand j'ai lu ton roman, parce que bien sûr en préparant cette émission, j'ai lu ton roman, j'avais envie de frapper ce commandant Pilton, mais comme quoi c'est signe d'une écriture plutôt bien réussie. Oui, je pense que justement, quand on arrive à détester un personnage, c'est que l'auteur a réussi son travail, a réussi son livre. Si on le déteste pour les bonnes raisons, parce qu'il apparaît dans le roman comme détestable, c'est que le travail est réussi, et ça c'est génial. Ah ben c'est ça, hein, tout à fait. Moi, ce commandant Pilton est vraiment détestable, mais ça, nos auditrices et nos auditeurs le découvriront quand ils liront ton ouvrage. Donc, oui, j'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui liront cet ouvrage et qui me feront éventuellement des retours, parce que je suis toujours disposée à échanger avec les lecteurs. C'est quelque chose d'ailleurs qui me fait très très plaisir. Bien sûr, tant que les retours en question sont constructifs et non pas, on va dire, par méchanceté pure. Oui, bien sûr. C'est vrai que je pense que chaque auteur a son lot de détracteurs. C'est pas quelque chose qui est très utile à mon goût. Il vaut mieux avoir des retours plus constructifs. Après, chacun a sa propre sensibilité, donc certaines personnes vont adorer, d'autres personnes vont moyennement aimer, voire d'autres personnes ne pas aimer du tout. Mais globalement, là je vois depuis la publication de Dessine-moi un enfant, les retours sont très positifs. Donc j'ai confiance en l'avenir pour ce livre. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite du coup. Donc, avant de parler de ton ouvrage à proprement dit, je tenais à signaler une nouveauté à nos auditrices et nos auditeurs, et à toi du coup, Laura. Dans mon émission À la rencontre d'auteurs, j'ai pris la décision d'instaurer ce que j'ai appelé un joker. Le principe de ce joker est plutôt simple. Si je pose une question qui, selon toi, pourrait, on va dire, trop spoiler l'intrigue de ton ouvrage, tu pourras utiliser ce joker. Mais attention, bien sûr, il faut une petite difficulté. Tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc choisis le bon moment. Ça rajoute un petit côté ludique que je trouve et je trouve ça plutôt sympa. Donc ça va, ça te met pas trop la pression. D'accord, non, non, ça ne me met pas la pression, c'est rigolo, je trouve, d'avoir ce côté joker, ça fait un petit peu, le fait qu'il n'y en ait qu'un dans l'émission, Et oui. ça met un petit peu de pression, ça met un petit peu de piquant, et c'est ça qui est intéressant. Du coup, on va commencer à parler de ton ouvrage Dessine-moi un enfant, car c'est principalement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc tout d'abord, cet ouvrage est un ouvrage, comme nous le disions, auto-édité. C'est ça exactement. Donc je suis passée par la plateforme LibriNova pour les apprentis auteurs qui nous écoutent. Donc c'est une plateforme en fait qui va mettre en lien les auteurs auto-édités et les éditeurs d'édition traditionnelle. Et donc si on fait un certain nombre de ventes, on a ce qu'ils appellent un agent littéraire, donc qui va démarcher les maisons d'édition pour nous mettre en relation. Et j'ai choisi en fait cette plateforme-là et pas d'autres plateformes qui existent comme Amazon Publishing parce que j'étais justement complètement novice dans le monde de l'édition et je préférais, au lieu de sauter, on va dire, directement dans le grand bain du monde de l'édition, passer par la petite piscine pour enfants. Au départ, je trouvais que la descente était un petit peu plus douce et ça me permettait déjà d'avoir une première approche du monde de l'édition et d'être accompagnée pour tout ce qui est maquettage du livre et ensuite lancement et référencement sur différentes plateformes comme Amazon, Kobo et d'autres librairies plus traditionnelles type Le Site, Cultura, etc. D'accord. Donc, si certaines personnes ne sont intéressées, donc tu as fait, comme tu le dis, ton édition chez LibriNova. Donc, on va dire que c'est une maison d'auto-édition se trouvant à Paris. Donc, comment est-ce que tu as trouvé cette maison d'auto-édition? Est-ce qu'on t'en a parlé ou est-ce que tu as fait toi-même tes propres recherches? J'en avais entendu parler, mais c'est par Internet où je me suis renseignée. J'ai aussi vu avec des auteurs qui étaient passés par LibriNova pour avoir leur retour d'expérience, savoir ce qu'ils pensaient de la plateforme, ce qu'ils pensaient de l'accompagnement. Et j'ai fait le bilan, je dirais, de tout ça. Et ce qui en est ressorti, c'est évidemment du positif, puisque j'ai aussi fait appel à LibriNova par la suite. Et je suis très contente de l'accompagnement et de la réactivité des personnes qui travaillent chez LibriNova, qui vont vraiment accompagner les auteurs pas à pas, en fonction aussi de leur budget, parce qu'il y en a pour tous les budgets. C'est un système de service globalement à la carte où on va pouvoir prendre un pack très standard où là le livre va être simplement disponible en version numérique ou on peut prendre le pack, on peut prendre des packs où il y a de tout. C'est quasiment, on a une correction éditoriale, on peut prendre la création de la couverture, bref, on peut tout prendre avec LibriNova et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un système modulable, donc il s'adapte à peu près à toutes les personnes. D'accord. D'ailleurs, donc du coup, ce roman Dessine-moi un enfant, quand est-ce que tu l'as sorti? Il est sorti le 12 février 2021, donc c'est une date palindromique, c'est la petite anecdote. Mais voilà, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant qu'il est disponible à la vente, donc en version numérique bien sûr, mais aussi en version brochée. Donc voilà. D'accord. Donc avant d'entrer, on va dire, dans l'histoire, je te propose, et je propose à nos auditeurs et nos auditrices, de décrire la première de couverture, car j'ai actuellement le roman sous les yeux. Donc tout d'abord, ce qui frappe en premier, c'est, on va dire, la sobriété de la première de couverture. La couleur dominante, c'est le noir. Ensuite, comme sur tous les ouvrages, donc il y a ton nom au-dessus écrit en petit, donc Laura Vaisseau. Juste en dessous, en plus grand, il y a le titre, donc Dessine-moi un enfant, avec le Dessine-moi écrit en bleu et le un enfant écrit en beige pâle, je dirais. Et ensuite, juste en dessous du titre, il y a une image, une photo d'un petit garçon, car le petit garçon, nous comprenons pourquoi, en lisant cet ouvrage, pourquoi il est là, du coup. Et donc, un peu dans l'ombre, et en face de lui, il y a son reflet. Tout ça rappelle donc le titre « Dessine-moi un enfant » quelque part. Et en dessous, presque à la bordure de la découpe du bas, il a écrit du coup « Thriller », le style de ton roman. Donc pourquoi avoir choisi que ta première de couverture ressemble à ce qu'elle ressemble en fait, à ce qu'elle est actuellement ? Déjà pour les tailles de caractère, j'ai voulu vraiment mettre en avant le titre. Parce que pour l'instant, évidemment, comme je suis pas très connue, les gens ne vont pas être accrochés par mon nom. Et Dessine-moi un enfant, c'est un titre déjà qui va faire écho à l'histoire. Comme ça, c'est un titre qui ne sonne pas très thriller. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister sur la couverture, faire une couverture assez sombre, assez mystérieuse, pour justement attirer l'œil et qu'il y ait un côté mystérieux et que le lecteur se dise bah, « Tiens, pourquoi justement il y a cet enfant assez sombre avec son reflet ?» et qu'il ait envie, déjà dans un premier temps, de retourner le livre pour lire le résumé. Et quand j'ai fait la recherche d'images pour illustrer mon histoire, ça m'a pris un certain temps. Que je n'arrivais pas à trouver au départ l'image qui correspondait à mon histoire, qui collait et qui allait véhiculer et l'atmosphère, donc il y a une atmosphère malgré tout assez oppressante dans le roman, et le message du livre. Et quand j'ai vu, l'image de ce petit garçon qui se regarde dans un miroir, je me suis dit, mais oui, c'est ça, ça illustre parfaitement le livre. Pourquoi ? Déjà pour vous faire donc un rapide topo sur pourquoi l'enfant, évidemment, il y a un enfant dans l'histoire qui s'appelle Théo, qui est kidnappé. Mmh. Et le reflet, je ne sais pas si je peux vous révéler pourquoi il y a un reflet sans trop vous révéler l'intrigue, mais c'est justement, oui, pour le côté sombre et le côté dédoublement est important pour l'histoire. Je vais juste vous dire ça, histoire de vous mettre en appétit, mais pas plus. Sinon, je vous révélerai trop de l'histoire, mais sachez que, et le titre, et le côté dédoublement, le côté un petit peu caché de ce reflet d'enfant, va s'expliquer dans l'histoire. Mmh. Et donc, justement, tu parlais tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, de la quatrième de couverture. Donc, toute la quatrième de couverture a une seule couleur, à peu près. Le bleu, j'ai écrit sur ma trame le bleu nuit, mais pas vraiment, c'est du bleu entre clair et foncé, je ne sais pas trop comment décrire. Oui, c'est un espèce de bleu vert, effectivement. Ouais. Voilà, un bleu vert. Ensuite, nous avons le résumé avec les deux premières lignes écrites en beige pâle, qui rappelle donc le un enfant de la première de couverture. Et juste en dessous, nous avons du coup le résumé écrit en blanc. Tout en bas, nous retrouvons deux des avis d'ailleurs sur ton roman, donc je vais les citer, ça fait toujours plaisir d'avoir des avis. Donc le premier dit, je cite, addictif, un vrai page-turner, donc fin de citation. Et le deuxième dit, je cite à nouveau, un dosage parfait entre suspense et émotion à lire absolument. Et fin de citation une nouvelle fois. Et pour la petite parenthèse, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ne font pas forcément partie du monde de l'écriture, un page-turner est tout simplement un ouvrage dans lequel on a toujours envie d'aller plus loin pour connaître la suite. C'est un roman quelque part qu'on n'arrive pas à lâcher, en fait, et fin de la petite parenthèse. Et pour continuer la description de la quatrième de couverture, nous avons en bas à droite, c'est pas très important, mais bon, le code-barre, ainsi que le prix juste au-dessus du code-barre. Donc pourquoi avoir pris la décision de faire une quatrième de couverture si simple, entre guillemets ? Je dirais c'est pour sublimer la première de couverture, pour que la première de couverture ressorte vraiment. Et pour que la quatrième de couverture soit assez sobre. Je ne voulais pas qu'il y en ait trop non plus sur toutes les faces du livre. Et je trouvais que cette couleur qui rappelait à peu près la couleur de la chemise de l'enfant allait bien avec le livre. Mais ce qui est important pour une quatrième de couverture, et c'est vrai que je me suis aussi inspiré malgré tout de livres qui existent, de livres que j'ai dans ma bibliothèque, et j'ai remarqué que la plupart du temps, la quatrième de couverture est assez sobre, ça va être vraiment la première de couverture qui va être travaillée pour justement attirer l'œil du lecteur et que le lecteur ait tendance à vouloir prendre le livre et à lire le résumé qu'il y a derrière. Mais je pensais que c'était pas utile d'en faire des tonnes sur la quatrième de couverture. D'accord. Donc d'ailleurs, je te propose de lire le résumé pour nos auditrices et nos auditeurs, si tu me le permets. Bien sûr. Ok. Donc le résumé commence en disant « Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour retrouver votre enfant ?» Le jeune Théo a disparu sans laisser de traces, au grand désespoir de sa mère, Amanda. L'enquête piétine jusqu'au jour où la police reçoit un étrange message. Si l'on ne joue pas, très tôt sonnera le glas. La vie de l'enfant ne tient plus qu'à un fil. Les instructions du mystérieux expéditeur sont claires. Il faut se plier au jeu pour retrouver Théo avant la fin du compte à rebours. Le combat pour la vérité commence et Amanda n'a qu'une seule règle, ne jamais abandonner. Et que cache en réalité cette disparition avec des points de suspension. Donc, je pense que nous pouvons dire que ce résumé donne l'eau à la bouche, en tout cas ça a été mon cas avant de commencer la lecture, et nous donne du coup envie de lire cet ouvrage, bien que l'intrigue fasse près, comme je disais tout à l'heure, de 700 pages, mais honnêtement on les voit pas passer. Donc d'ailleurs, pourquoi avoir décidé que ton ouvrage soit aussi long? Comme je disais un petit peu plus tôt dans l'émission, au départ, étant donné que j'étais novice dans l'écriture, je me suis pas bien rendu compte de la différence entre mon manuscrit sur Word et mon manuscrit imprimé, mais aussi il y a de la longueur parce qu'il y a une certaine complexité dans l'intrigue, et l'intrigue se joue, pour moi en tout cas, un peu à la manière d'une pièce de théâtre avec trois actes différents qui vont être assez marqués par les pivots de l'histoire, donc vraiment l'élément déclencheur qui va impacter la vie de l'héroïne, donc cette fameuse mère qui a perdu son enfant. Et c'était important pour moi d'avoir une enquête, et enfin c'est pas qu'une enquête, mais d'avoir une intrigue, je dirais, qui est suffisamment fouillée. Et puis dans le sens où dans le livre il y a quand même un certain nombre de personnages, donc il faut pour moi c'était aussi important de développer chez les différents personnages, leur trait de caractère, leur motivation, pourquoi ils agissent comme ça, et de faire des personnages, je dirais, gris pour la plupart, dans le sens où ils sont, où j'ai essayé, dans la mesure du possible, de ne pas faire des personnages manichéens, donc ils sont soit gentils, soit méchants. Tout le monde, et je pense que c'est vraiment vrai dans la vie réelle, tout le monde a une part de lumière et tout le monde a une part d'ombre, avec donc plus ou moins de lumière ou plus ou moins d'ombre. Je ne suis pas en train de dire que tous les personnages sont entre les deux, mais je ne voulais pas trop caricaturer les personnages avec d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Donc c'est pour ça que le temps de développer donc l'intrigue principale et les intrigues secondaires qui sont entremêlées, un peu à la manière d'une pelote de laine, et qui ensuite vont pouvoir se démêler jusqu'au dénouement final où on va comprendre toutes les clés et tous les indices, donc les vrais indices et aussi les faux indices, on va tout comprendre et on va dire « Ah mais oui, c'était ça !» Il y avait des petites clés pour me mettre sur la piste et éventuellement je ne les ai pas vues passer. Ou certains lecteurs sont très... Ont vraiment l'œil et m'ont dit « Ah oui, j'avais ma petite idée de comment ça allait se terminer l'histoire. » Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Ah bah, si, c'est ton émission, tu réponds comme tu as envie, tant que tu ne fais pas trop de hors-sujet, mais je trouve que cette réponse est plutôt complète et explique pourquoi, entre guillemets, pourquoi ce livre est si long. Donc si, c'est bien répondu, je trouve. De quoi est ou de qui t'es-tu inspirée pour écrire ce roman? Alors, je me suis inspirée au départ d'un rêve que j'ai fait qui était un petit peu étrange et carrément cauchemardesque. Mm-hmm. Donc là, je pense que les lecteurs et les auditeurs vont peut-être penser que je fais des rêves bizarres. Rassurez-vous, la plupart du temps, mes rêves sont tout à fait normaux, mais celui-là était un peu bizarre, donc ça m'a donné le point de départ. Et après, je pense que les idées, c'est un peu comme le vin, ça se mature, il faut les laisser, entre guillemets, vieillir, les laisser se développer suffisamment pour enrichir les idées. Et aussi, je me suis inspirée de certains faits réels qui ont eu lieu, notamment en Espagne, sous la dictature de Franco, d'accord, où des bébés étaient enlevés à leur famille, et ça m'a donné aussi des pistes sur les motivations des personnages, parce que j'ai pu m'inspirer d'un fait qui a vraiment existé et qui m'a donné des clés pour donner du réalisme et du corps à mon intrigue. D'accord. Donc avant de poursuivre et on va dire d'entrer encore plus dans l'ouvrage, je te propose de nous lancer dans une première pause musicale que tu as choisie. Nous allons écouter Chasseur d'étoiles de Soprano, et Pégase. Donc pour donner un petit peu les références comme j'aime bien le faire, cette chanson est une chanson plutôt typée hip-hop rap. Elle est sortie en 2018 et est tirée du 5e album de Soprano, album intitulé Phoenix, sorti le 9 novembre 2018. D'ailleurs, il chante, comme je le disais, cette chanson en duo avec Pégase, un chanteur, multi-instrumentiste et compositeur français. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute cette chanson ? Bien sûr, oui. Parfait. Alors, on écoute Soprano en duo avec Pégase et leur titre Chasseur d'étoiles. Et on se retrouve juste après. Je les vois plus dans tes yeux, je les vois plus dans les cieux. Trop de nuages gris, le monde a perdu de son bleu. Les chemins vers les rêves ne sont plus éclairés. Les chemins vers la paix sont dans l'obscurité. Je ne les vois plus filer, donc je n'entends plus de souhaits. Ici la nuit, le troupeau ne voit plus son berger. Ici elles sont factices, où on leur marche dessus sur un boulevard. J'ai besoin de les revoir, donc je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles, je pars à la chasse aux étoiles, oui je pars, je mets les voiles, je pars à la chasse aux étoiles. Je sais pas ce qui m'attend, l'espace est tellement vaste, mais je prendrai le temps pour visiter les astres, m'inspirer des planètes qui ne connaissent que la paix, faire mes plans sur une comète que j'aurai enfin attrapé, un selfie avec Marseille, les deux pieds sur la lune, je ferai des roues arrière sur les anneaux de Saturne, des pluies de météores me blesseront peut-être, mais ça n'a pas de prix de ramener des étoiles sur Terre, donc je pars, je mets les voiles, je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles, oui je pars, je mets les voiles, je pars à la chasse aux étoiles, je pars à la chasse aux étoiles. Le phénix part chasser plus loin, ses étoiles qu'on dit. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Chasseur d'étoiles de Soprano en duo avec Pégase. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Laura Vaisseau qui est là pour nous parler de son ouvrage Dessine-moi un enfant. Ça va toujours ? Toujours parfait. Parfait. Ça va nickel. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question et ce, quelle que soit l'émission. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Y a-t-il une raison particulière ? Oui, bien sûr. J'ai choisi la chanson de Soprano, Chasseur d'étoiles, parce qu'en fait, elle me parle beaucoup. Il parle des rêves. Donc, Donc là, ça va être les rêves d'exploration de l'espace, mais je pense que si plus métaphorique que ça, c'est le fait d'aller toujours plus loin, d'aller au bout de ses rêves et de concrétiser ce qu'on a envie, de concrétiser nos projets. Et pour moi, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour, donc pas à pas, un pas après l'autre avec mon rêve d'écriture. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Je pense que la vie, c'est une des choses importantes dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'essayer, coûte que coûte, d'aller vers nos rêves et, dans la mesure du possible, de les réaliser. D'accord. Comme annoncé avant cette petite pause musicale, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet, ton ouvrage « Dessine-moi un enfant ». Donc, l'histoire de ton ouvrage se passe majoritairement dans la ville de Vénissieux, dans la métropole de Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vers le sud-est de la France, du coup. Donc, pourquoi avoir pris la décision de faire se dérouler ton intrigue dans une région française, et dans cette région française plus particulièrement ? J'avoue que sur ce point, j'ai choisi un petit peu la solution de facilité dans le sens où j'ai grandi en région lyonnaise, donc pas exactement à Lyon, plus à la campagne au nord de Lyon. Et j'ai aussi tout mon cursus d'ingénieur à Lyon, justement. Et donc ça m'a permis de découvrir cette ville. C'est une ville qui est, je trouve, magnifique et d'une grande richesse. Et j'ai voulu... à travers le livre, même si évidemment c'est pas le sujet, mais donner peut-être envie à des lecteurs de faire un saut à Lyon et de découvrir cette ville. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce cadre, parce que c'était un cadre familier. Donc encore une fois, c'était un petit peu plus facile de savoir positionner l'intrigue et les différents lieux où les personnages ont évolué. D'accord. Ensuite, dès que nous entrons dans ton ouvrage, nous avons les pages de présentation que l'on trouve dans tous les ouvrages, puis nous avons une petite citation qui dit, je cite, « L'extraordinaire né d'une poussière d'espoir ». Fin de citation. Est-ce que cette citation est de toi, ou est-ce que c'est une citation que tu as trouvée autre part ? Non, c'est vrai que c'est une citation de moi, c'est pour ça que j'ai pas mis que c'était mon nom, pour ne pas faire prétentieux ou arrogant, mais c'est quelque chose, je pense, qui est très important d'avoir de l'espoir. Et là, la mère du petit garçon qui a disparu, justement, c'est l'espoir, c'est son carburant, c'est ce qui va la faire tenir tous les jours, c'est ce qui va la faire se lever le matin, de se dire peut-être que mon fils est vivant, et peut-être que grâce à mes petites actions, donc qui sont comme un petit peu des poussières, mais qui, mises bout à bout, vont permettre d'accomplir de grandes choses. Et je pense que pour tout le monde, donc que ce soit dans des situations un peu tragiques, mais ça je le souhaite à personne, ou dans des situations beaucoup plus ordinaires, le fait d'avoir de l'espoir, le fait d'attendre quelque chose, je dirais, de la vie, bah, ça nous permet d'avancer. Moi, c'est ce qui me fait aussi avancer. Je parlais juste à l'instant de la chanson de Soprano sur les rêves. Là aussi, l'espoir qu'un jour je puisse vivre de l'écriture, je puisse faire tous les jours ce qui m'éclate et ce qui me passionne, c'est vraiment mon carburant. C'est ce qui me permet de continuer à écrire, d'avoir des nouvelles idées et toujours d'être dans ce fourmillement un peu hyperactif en lien avec l'écriture. C'est pour ça que tu as mis cette situation dès le début de ton ouvrage. Oui, c'est pour ça, et ça fait écho aussi à l'histoire et au combat que la mère va mener au cœur de l'histoire pour retrouver ce qui est arrivé à son fils. Dès le début de l'intrigue également, nous remarquons des passages en italique. L'italique qu'on retrouvera tout au long du roman, reflétant les pensées du personnage en question. Donc, que voulais-tu faire comprendre en écrivant ces passages en italique ? Quel était ton but ? Donc déjà, j'ai voulu marquer une séparation avec la façon d'écrire, donc soit une police, on va dire, classique, soit mettre en italique, pour qu'on remarque ce que je pense notamment au premier chapitre, où c'est un chapitre où il y a à la fois un point de vue omniscient et qui est plutôt orienté sur les pensées de la mère, mais globalement omniscient, et quelques petits passages de l'enfant. Avec ses pensées, on va directement être dans sa tête, on va être dans sa peur, on va ressentir sa peur, on va ressentir sa panique face à la situation. Parce que dès le premier chapitre, il est poursuivi par un inconnu, un homme dans la forêt. Et je trouvais que le fait de mettre ces passages en italique, ça permettait de faire la rupture. Et au cours du roman, il y a aussi d'autres passages en italique. Donc tu as raison, Christopher, c'est tout à fait les pensées des personnages. Et certaines fois, c'est pour marquer le rêve aussi. Il y a quelques passages qui sont des rêves de personnages ou des flashbacks. Donc c'est pour faire une coupure dans le récit, comme il y a une coupure dans la temporalité, c'était aussi pour le marquer d'une façon un petit peu plus concrète et pour que les lecteurs comprennent bien que c'est pas ce qui se passe tout de suite, que c'est soit avant, soit un rêve d'un personnage. D'accord. Le premier chapitre, toujours, nous plonge également directement dans l'action, notamment grâce à une certaine réaction de Théo envers sa mère, réaction que l'on ne citera pas pour ne pas spoiler. Donc pourquoi avoir voulu plonger directement le lecteur ou la lectrice dans l'action? Quel était ton objectif en faisant ça? Ben, c'est quelque chose par où j'aime bien, quand je lis un roman policier, j'aime bien tout de suite être plongé dans le rythme. Et ce prologue, en fait, il est très très riche en informations. J'ai dissimulé quelques indices sur le déroulé de l'histoire, sur ce qui va se passer par la suite. Dans le chapitre 2, on apprend en fait que le chapitre 1 est un cauchemar de la mère, mais je dirais qu'il faut quand même être vigilant au chapitre 1. S'il est là, c'est qu'il n'est pas anodin et que certaines choses que rêve la mère vont avoir une importance pour la suite de l'histoire. J'ai voulu faire ça un petit peu comme un côté bande-annonce pour mettre directement l'eau à la bouche et que tout de suite le lecteur entre dans le rythme et dans l'action et dans ce sentiment un petit peu d'urgence, parce que malgré tout, la thématique du livre, donc qui est la disparition de l'enfant avec l'enquête policière et le combat de ses parents, et notamment de sa mère, pour le retrouver, c'est un thème qui est assez lourd. Donc c'est pour ça que directement, qu'on entre dans le vif du sujet, et je trouvais que c'était une entrée en matière beaucoup plus efficace que de commencer par une description plus ou moins de la situation, ce qui est fait dans le chapitre 2. D'accord, donc justement dans le chapitre 2, nous comprenons qu'une véritable course contre la montre va se lancer. Cependant, à la dernière page du chapitre 2, en bas, comme dans un encadré, nous voyons une parole en italique prononcée, on imagine, par Théo, donc le petit garçon, qui dit, je cite, « Papa ne va pas être content du tout quand il comprendra que je suis parti, mais c'est trop marrant de lui faire peur. » Fin de citation. Cette phrase laisse penser à une blague de Théo, une pensée de Théo qui arrive d'on ne sait où. Bien sûr, ça fait déjà monter le suspense. Je suppose que là aussi, c'était ton but de faire, justement, monter le suspense. Oui, oui, oui, tout à fait. Je voulais vraiment que ça fasse un petit peu comme sur une série Netflix où il va y avoir un cliff, enfin une ouverture à la fin de l'épisode, et on dit non, c'est pas possible, je peux pas rester là-dessus. Et le fait, en fait, que l'intrigue va avancer, on va dire, indépendamment des pensées de Théo, mais les pensées de Théo vont évidemment se rattacher à l'intrigue et nous donner des indices sur ce qui lui est arrivé. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas une idée que j'ai eue à la base, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais plus avancée au niveau de l'écriture, où je me suis dit, mais oui, ça permet de rendre, entre guillemets, le personnage de Théo actif, que dans le livre, on le recherche, mais c'est un personnage qui, globalement, est un personnage passif, qui ne va pas intervenir dans l'histoire. Et là, ça permettait de le faire intervenir avec son point de vue d'enfant, ses ressentis d'enfant, et de donner, peut-être de distiller une sorte d'espoir dans le cœur des lecteurs pour se dire, tiens, si ce petit garçon, il parle, peut-être qu'il est toujours vivant, peut-être qu'il va bien, peut-être qu'il est quelque part, etc. C'était pour entretenir le suspense, le mystère, et ajouter un petit plus à l'histoire. Bien sûr, parce que c'est pour ça que justement, ces petits encadrés, on les retrouve régulièrement dans l'ouvrage, sauf à un moment, suite à quelque chose, on ne voit plus. Oui, là aussi, c'était fait exprès qu'il y ait une coupure des pensées de Théo, qu'au bout d'un moment, elles disparaissent et on se dit, tiens, mince, elles ont disparu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que... Enfin, je vais pas trop en dire, mais pour faire un petit peu paniquer le lecteur et qu'il ait envie de continuer encore plus l'ouvrage et savoir ce qui va se passer, quelle est cette machination derrière la disparition de cet enfant. Mmh. Donc justement, tout à l'heure, nous parlions de, en fait, des émotions que tu veux donner au personnage pour que les lecteurs justement s'attachent au personnage, et c'est justement le cas que le personnage de Amanda, qui donc Amanda c'est la mère de Théo, qui nous fait beaucoup de peine, nous avons envie d'entrer dans le roman et de la prendre dans nos bras pour tenter de la rassurer. Nous sommes, on va dire, très compatissants envers son personnage, pardon, nous voulons lui prêter main forte, mais nous sentons presque, disons, inutiles, nous sommes omniscients. Donc est-ce que quand tu as commencé à écrire cet ouvrage, tu avais déjà cette envie en tête que le lecteur soit omniscient, qu'il puisse, même s'il a envie, qu'il ne puisse rien faire pour consoler justement le personnage d'Amanda? Oui, tout à fait. Je voulais justement faire un récit omniscient pour qu'à certains moments, le lecteur soit, en avance sur ce que va savoir la mère de Théo et donc Amanda, et que le lecteur ait une petite longueur d'avance sur les personnages, sur le personnage principal. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, t'inquiète, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le début du roman se passe à l'époque de la Toussaint, donc fin octobre, début novembre. Donc, as-tu choisi le moment de l'année exprès pour l'intrigue? En d'autres termes, la Toussaint est une fête plutôt triste. Ce qui se passe dans le roman est plutôt triste également. Donc, est-ce que tu voulais en quelque sorte que l'époque du début du roman et l'intrigue soient en quelque sorte liées? Oui, j'ai voulu que ça démarre à une période assez triste et l'hiver. C'est la saison qui représente la mort globalement. Donc le fait qu'il y ait une disparition, qu'il y ait cette tristesse qui se soit abattue sur cette famille et ce côté mais pourquoi et où est-ce qu'il est notre fils, c'était plus logique de le faire intervenir fin d'automne plutôt que le faire en plein été. Mmh. D'ailleurs, dans le chapitre 4, nous voyons que tout s'abat encore plus sur le personnage d'Amanda, un poids en plus qu'elle a apporté sur les épaules. Et d'ailleurs, nous pensons même, à la fin du chapitre 4, entrevoir une lueur d'espoir quand Amanda se rend dans l'église avec les différents flashs. Quel a été ton objectif? Pourquoi avoir fait ça, le faire entrevoir une lueur d'espoir? Alors que, je peux le dire, là, j'ai lu le livre sous les yeux, le chapitre 4 se termine à la page 28. Ben, j'ai voulu qu'il y ait justement un élément un petit peu déclencheur et que l'Église, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment quelque chose qui va apporter du réconfort, de la bienveillance, de l'amour. Et j'ai voulu utiliser globalement la morale de la religion chrétienne pour Amanda... et un déclic. Et c'est à partir de ce déclic que ça va tout enclencher et que l'intrigue va et que l'enquête policière va prendre une nouvelle tournure. Parce que jusqu'à présent, l'enquête, comme c'est dit dans le résumé, l'enquête piétine. Il n'y a aucune avancée vraiment concrète. Et ça va être à partir du déclic d'Amanda que tout va se mettre en place. Et l'église, ça me semblait être une symbolique assez joli pour justement symboliser cet espoir. D'accord. Donc avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous relancer dans une nouvelle pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions le titre A Million Dreams des acteurs du film The Greatest Showman. Et plus particulièrement, ça va être une chanson interprétée par Ziv Zeifman, Hugh Jackman et Michelle Williams. Une nouvelle fois, pour donner les petites références, cette chanson est plutôt typée pop et est tirée du film The Greatest Showman, sorti en 2017. Donc on écoute ce morceau A Million Dreams, là encore nous retrouvons la notion de rêve, et donc on se retrouve juste après cette chanson. I close my eyes, can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams. I think of what the world could be, a vision of. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter A Million Dreams, chanson tirée du film The Greatest Showman, chanson interprétée par Ziv Zeichman, Hugh Jackman et Michelle Williams. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Laura Vaisseau qui est là pour nous parler de son ouvrage Dessine-moi un enfant. Ça va toujours ? Toujours parfait. Nickel. Donc même question que pour la première pause musicale, y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu as choisi cette chanson tirée du film The Greatest Showman ? Oui, tout à fait. C'est la chanson qui correspond à la chanson que j'ai eue pour ma demande en mariage. Donc c'est une chanson qui est très chargée en émotions. Et il y a toute une symbolique aussi derrière cette chanson, toujours, toujours la thématique des rêves et la thématique de l'amour, parce qu'en fait, on le voit dans le film The Greatest Showman, ils sont, au départ, ils sont deux, ils ont un projet commun, un rêve commun, et moi, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui est, je dirais, par nature solitaire, mais j'aurais jamais pu y arriver sans mon amoureux Diog Vassine, donc je le remercie vraiment du fond du cœur. C'est mon moteur aussi dans la vie, donc qui va m'aider sur mon projet, qui va me permettre de débattre de mes idées, qui va lire mes textes, me dire attention, là, tel chapitre, j'aurais pas fait ça comme ça, là c'est un petit peu bancal. Et du coup, il m'a vraiment aidé dans la phase de création. Donc, je pense que c'est très important, à la fois quand on est auteur, mais pour n'importe qui, de s'entourer de personnes qui vont nous pousser vers nos rêves. Et moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est génial. D'accord. Bah, justement, ton amoureux, qu'on salue si jamais il écoute cette émission. Donc on va reprendre le cours de cette émission tout doucement. Donc dans le chapitre 5, on constate qu'une nouvelle enquête, entre guillemets, s'ajoute à l'enquête principale du livre. En effet, tous les objets favoris de Théo, le fils d'Amanda, ont disparu. Donc pourquoi avoir pris la décision de raconter une deuxième enquête en plus de l'enquête principale? Est-ce pour une nouvelle fois faire réfléchir le lecteur? Ou est-ce que, en essayant de ne pas trop spoiler une nouvelle fois, cette enquête, on va dire secondaire, a un rapport quelconque avec l'enquête principale? Oui, bien sûr, ça a un rapport avec l'enquête principale. Au départ, on se dit, bon, tiens, c'est juste des objets qui ont disparu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en fait, si, ces objets n'ont pas seulement disparu, ils ont été volés. Et la disparition de Théo, plus on va aller au cœur de l'histoire, plus on va se rendre compte que c'est pas une simple disparition, c'est pas juste un taré qui a kidnappé le premier enfant qui lui tombait sous la main. Tout a un sens. Et même l'enfant qui va être au cœur de l'histoire a un sens. C'est pas anodin que ça soit tombé sur lui en particulier. D'accord. Et comme nous le disions un petit peu plus tôt, à la fin de chaque chapitre, nous avons, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, une ouverture comme une série Netflix ou peu importe, qui donne envie de continuer la lecture. Et donc, nous avons l'impression que ces quelques phrases contribuent à l'enquête du lecteur, que chacune de ces lignes constitue, disons, des indices en plus. Est-ce que c'était là ton but de disséminer des petits indices par-ci par-là au lecteur afin qu'il pourquoi pas, trouve le ou les coupables avant les personnages en question? Oui, tout à fait. C'était d'avoir des indices, des choses qui sont dites de façon presque anodine par l'enfant, avec beaucoup d'insouciance et de naïveté au départ. Et on va voir au fil du livre, à travers les pensées du petit garçon, il y a de moins en moins d'insouciance et il y a plus une panique qui va commencer à germer, à grandir. Mais oui, c'est clairement des indices qui vont permettre de trouver les clés pour résoudre l'enquête. Donc il faut être vraiment vigilant à ces petites paroles d'enfant qui, comme ça, peuvent ne pas vouloir dire grand-chose. Certaines fois, on ne les comprend pas tout de suite, mais quelques chapitres plus loin, on va dire, mais tiens, en fait, il y avait eu quelques indices, donc soit simultanément, soit un petit peu avant, ou voire un petit peu après, mais souvent c'est un peu avant, qui permettaient d'orienter sur une piste plutôt qu'une autre. D'accord. Et donc, justement, ces paroles, nous ne savons pas vraiment si elles sont vraiment prononcées par Théo, ou qu'il soit, parce qu'on ne sait pas où il est, ou même s'il est encore en vie, ou si c'est justement, par exemple, dans la tête d'Amanda. Donc, voulais-tu également faire comprendre cela aux lectrices et aux lecteurs de un petit peu le rendre confus la personne qui lit ton ouvrage? Pour moi, quand j'ai écrit ces fins de chapitres dans les encadrés, clairement, on était dans la tête de Théo et l'idée n'était pas de faire penser que c'était dans la tête d'Amanda. Après, on voit qu'Amanda, au fur et à mesure du livre, elle perd de plus en plus pied et psychologiquement, elle est vraiment atteinte. et elle a du mal à distinguer la réalité de la fiction, mais pour moi, ça reste les pensées de l'enfant, en tout cas, c'était mon intention de départ. Après, bon, chacun a ses interprétations, et ça peut, pourquoi pas, ajouter un côté un petit peu riche de dire, bah tiens, c'est peut-être les pensées de la mère, en fait, mais pour moi, c'était pas le but recherché quand j'ai écrit le livre. D'accord. Et donc, justement, pour un petit peu rester sur le personnage d'Amanda, en plus de tout ce qui se passe dans sa vie, cette dernière ne s'entend plus avec son mari Marc, donc le père de Théo, ce qui n'arrange pas du tout la situation. Elle a l'impression que son mari ne la soutient pas et qu'il ne l'écoute pas et que presque il n'en a plus rien à faire de toute l'histoire, de tout ce qui se passe. Donc pourquoi avoir pris cette décision de créer une nouvelle fois une énorme fissure, une énorme cassure entre les parents de Théo ? Je voulais isoler au fur et à mesure du livre de plus en plus Amanda, qu'elle s'isole vraiment elle-même, et elle a l'impression que le monde entier lui veut du mal, à commencer par son mari. Et pourquoi il y a eu cette fissure justement entre les deux membres du couple ? Parce que le petit garçon en question, Théo, était sous la surveillance de son père au moment du drame. Donc sa mère n'a pas pardonné à son mari d'avoir perdu la trace de son fils et de ne pas l'avoir surveillé correctement. Et la relation, pendant en tout cas une partie du livre, va vraiment s'envenimer, parce que je voulais qu'Amanda soit seule au monde, qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais aller plus bas et qu'il n'y a pas d'espoir de sortie. Elle a l'impression que les gens, au lieu de lui tendre la main, lui tendent la pelle, entre guillemets, pour qu'elle s'enfonce encore plus dans le désespoir. Mais c'était justement pour ensuite amener un retournement de situation où il y a, comme je disais au départ, l'extraordinaire né d'une poussière d'espoir. Il y a justement ce côté espoir qui est un fil conducteur pour la mère, mais aussi, je pense, pour le lecteur qui se dit « Ah, j'espère que ce petit garçon, il va bien, j'espère que ses parents vont pouvoir le retrouver, j'espère que le couple va pouvoir se radibocher. » C'est vrai que c'était important pour moi qu'Amanda soit très très seule pour qu'on la plaigne encore plus et qu'elle soit une proie, entre guillemets, facile pour ses assaillants. Mmh. Pour également peut-être rajouter encore plus de, on va dire, de soutien de la part des lecteurs et des lectrices envers le personnage d'Amanda, car dans l'histoire, enfin moi je l'ai compris comme ça en tout cas, le personnage d'Amanda, c'est, je pense que c'est ce que tu voulais montrer, c'est vraiment la victime de tout ça. Pardon. Oui, voilà, j'ai vraiment voulu la positionner dans en tant que victime. Et la situation la dépasse. Et comme c'est une personne qui est, je dirais, qui est assez entière et qui aime à 100%, qui va être dévouée à 100%, elle peut être dans l'excès des deux côtés, dans l'excès d'amour et dans l'excès de désespoir. Elle a l'impression qu'elle va pas s'en sortir, que c'est trop pour elle. Et on peut comprendre quand même. Je pense que si on était dans la même situation, je pense qu'on vivrait pas très bien, et on touche du bois pour que ça n'arrive à personne. C'est pas quelque chose que je souhaite ni pour moi ni pour les autres. La disparition d'un enfant, c'est vraiment très tragique. Au chapitre 11, nous avons un nouveau rebondissement avec un nom, ou plutôt avec un nom de code, Salamandre Bleu. D'ailleurs, si je parle de Salamandre Bleu à ce moment-là, c'est que ce nom de code, ce nom nous suivra tout au long du reste de l'histoire à partir du chapitre 11. Oui, c'est le nom, c'est ce que les lecteurs vont découvrir, mais je dirais que c'est le nom de la personne qui tourmente en tout cas les parents de Théo et qui se cache derrière la disparition de cet enfant. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop pourquoi il y a ces noms de codes. Mmh. Mais ça accompagne aussi le message, le fameux message qui va être indiqué dans le résumé. Si l'on ne joue pas, très tôt sonnera le glas. En réalité, il y a un petit peu plus. Ça fait référence aussi à la salamandre bleue, donc qui est un nom de code qu'on va retrouver ensuite au fil du roman. D'accord. Donc, comme nous le disions en début d'émission, l'intrigue de ton ouvrage se passe dans la ville de Vénissieux, en région lyonnaise. Donc, dans ton ouvrage, il y a un commissariat à Vénissieux, un commissariat qui existe réellement. Mais les membres de ce commissariat, donc le commandant Pilton, le commissaire Margouin et les lieutenants Thibaut Sauret et Salomé Bounja, j'espère que je prononce bien, existent-ils réellement également, ou est-ce que tu as pris l'initiative de placer des personnages inventés dans des lieux qui existent, dans un lieu même qui existe réellement? Non, les personnages n'existent pas. Je pense qu'on n'a pas le droit de toute manière de prendre des noms de personnes qui existent, à part si on écrit les mémoires, on va dire, de quelqu'un, et où là, évidemment, on va prendre des noms de gens qui existent vraiment, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'écrire sur des personnes réelles, surtout si on leur prête des faits qui ne sont pas toujours très, très glorieux pour certains. Donc non, c'est vraiment des gens qui sont inventés. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont le même nom, j'espère que non. Mais oui, c'est quelque chose d'inventé. Oui, donc tu as pris l'initiative, comme dans presque les romans qui racontent des histoires qui pourraient vraiment se passer dans la vraie vie, et tu as pris l'initiative de mettre des personnes inventées dans des lieux qui existent réellement. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans le chapitre 13, un nouveau rebondissement arrive. On découvre l'implication d'un certain personnage dont on ne citera pas le nom pour ne pas spoiler, dans toute cette personnage qui intervient dans toute cette affaire. Donc pourquoi avoir pris la décision de faire de ce personnage quelqu'un qui joue un double jeu, et pourquoi ce personnage en particulier ? Ce personnage-là, en fait, a une histoire et a une raison qui le pousse à jouer un double jeu et à être globalement à faire des actions pas très catholiques, comme on dit, parce qu'il a une motivation profonde qui va le pousser dans cette voie. Il ne voit pas d'alternative rapide et viable et légale pour faire mener une vie, on va dire, comme monsieur et madame tout le monde. Donc il s'oriente vers l'illégalité parce qu'il a besoin, d'argent, c'est sa motivation principale, qui cache une motivation en vérité un petit peu plus profonde et un petit peu plus noble aussi. Donc c'est pour ça qu'il a choisi justement de mener cette double vie. Et justement, là j'ai retrouvé le passage en question. Donc nous voyons que ce personnage, il échange avec quelqu'un au téléphone, mais on ne sait pas qui est ce quelqu'un en question, car tu l'appelles par un mot, tu l'appelles en disant l'autre. Donc là aussi, c'était un de tes objectifs, de ne pas dévoiler le nom de ton interlocuteur. Bien sûr, oui, c'était pour entretenir le mystère tout au long du roman. On se dit, mais tiens, mais à qui il a parlé, mais qui est derrière tout ça, et que le lecteur émette des hypothèses, c'est-à-dire, bah, tiens, est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce que c'est un autre personnage? Qui est-ce que ça peut être? C'est quoi cette sombre histoire? Pourquoi le personnage en question en parle à ce moment-là? Pourquoi il ne prend pas plus de précautions? C'est pour qu'on soit dans l'intrigue, c'est ce rythme un petit peu oppressant et qui va aller crescendo tout au long du livre, où certaines fois on va dire, ah, tiens, une bouffée d'oxygène, entre guillemets, le rythme redescend un petit peu, et non, après, il va y avoir un nouveau rebondissement, un nouveau retournement de situation. Et ce qui m'a vraiment amusé, je dirais, dans ce livre, c'était de dissimuler des indices, donc à la fois des vrais indices qui vont permettre pour les lecteurs très très attentifs éventuellement de deviner le dénouement, je dirais, dans son intégralité, avec qui est derrière tout ça et pourquoi. Mais j'ai aussi mené le lecteur en bateau pour qu'il tombe dans des pièges que j'ai essayé de tendre au lecteur. Je ne sais pas si toi, Christopher, tu t'es fait avoir quelquefois par des faux indices qui t'ont fait qui t'ont orienté justement sur une fausse piste, ou si tu as été très clairvoyant et que tu as vu venir le dénouement justement du dénouement, quoi. Bah, je t'avouerai qu'en lisant cet ouvrage, je me suis fait avoir. D'ailleurs, quand je me faisais avoir, j'étais en train de te détester devant le livre, mais ça après voilà. Mais, mais sinon, un peu plus loin, vers la fin de l'ouvrage, on va dire, je commençais à avoir, une idée sur qui pouvait être le ou les coupables. Et je me suis dit, si ça se trouve, ce personnage-là, je ne vais pas dire le nom du personnage pour pas spoiler, mais je me suis dit, si ça se trouve, ce personnage-là, en fait, il n'est pas réellement celui ou celle qu'il ou elle prétend être. À la fin de l'ouvrage, j'avais deviné qui était le ou les responsables, et je dois bien avouer que j'ai été fort surpris. Oui, bah c'est vraiment le but pour moi d'essayer de surprendre en tout cas la majorité des lecteurs, que on se dise bah tiens, je crois que j'ai compris, que j'ai deviné la clé, et en fait bah c'est une autre clé. Je pense que certains peuvent deviner éventuellement qui est derrière tout ça, mais de là à deviner l'intégralité du dénouement et notamment les motivations profondes des personnages, ça je pense qu'il faut être un petit peu plus aguerri et vraiment prêter attention aux moindres indices et aux indices les plus subtils qui vont être cachés un petit peu tout au long du roman. Mmh. Oui, c'est vrai, je n'avais pas, on va dire, deviné la totalité de l'intrigue. J'avais une partie de l'intrigue avec une idée des coupables, du ou des coupables, mais je n'avais pas deviné toute, comme tu dis, toute l'intrigue, ni toutes les motivations. C'est pour ça que l'effet de surprise, il a plutôt bien fonctionné avec moi. Et je pense qu'avec la majorité des lecteurs qui ont lu ton livre, ça a fonctionné aussi. Oui, c'est vraiment un retour assez unanime. La plupart n'ont pas deviné la fin. Ils n'ont pas vu venir, en tout cas. Certains ont deviné des choses, mais de là à se dire ah bah tiens, je peux donner l'explication précise, non, là ça c'est le côté de petite surprise. Et pourtant si on prête vraiment attention tout au long du roman, tout est expliqué, mais c'est un petit peu subtil pour les vrais indices, alors que les faux certaines fois vont être gros comme une maison. Mais c'est justement ce qui est rigolo, savoir si le lecteur va plonger ou si au contraire il va dire ah non, attention, je suis un petit peu, j'ai un petit côté détective, je ne vais pas me faire avoir par le premier faux indice qui se présente sur ma route. Bien sûr. D'ailleurs, plus nous avançons dans la lecture du roman, et plus nous avons l'impression que tous les personnages sont suspects, que personne n'est blanc comme neige. Enfin, c'est une impression que nous avons. Nous commençons même à avoir des doutes sur les personnages qui paraissent pourtant si naturels, si calmes, si gentils. Donc, est-ce que c'était ton objectif, là aussi, de donner cette impression au lecteur que, finalement, il faut se méfier des apparences, que personne n'est peut-être blanc comme neige, justement? Oui, bah tout à fait. Je voulais vraiment que les personnages, ils aient tous éventuellement quelque chose à se reprocher. C'est peut-être le petit côté Agatha Christie où tous les personnages, comme ça, ont l'air à un moment donné coupables, et après on découvre qui est véritablement coupable. Mais je voulais aussi dépeindre, gérer la réalité de la manière la plus vraisemblable possible, parce que je pense que dans la vie, personne n'est parfait. Il n'y a pas des saints et des gens et des bourreaux qui n'ont jamais au moins une infime part de lumière dans leur vie. Je pense que tout le monde fait des bonnes actions et des mauvaises actions. La plupart d'entre nous, quand même, on fait plutôt une majorité de bonnes actions, mais on a toujours nos défauts, on peut des fois avoir une crise de nerfs et être un petit peu en colère de manière un peu excessive. Ça arrive à tout le monde, et c'est vrai que j'ai voulu vraiment montrer dans le roman que les personnages ne sont pas soit blancs, soit noirs. Je voulais pas qu'il y ait, il y a les gentils et il y a les méchants, et le côté très très super-héros du livre, ça je voulais pas du tout. Je voulais pas qu'il y ait les gentils, les méchants, et que ça soit, qu'il y ait une fracture, vraiment un mur entre les deux, et qu'il n'y ait jamais des gens qui puissent se reprocher des choses. même l'héroïne de l'histoire, donc la mère du petit garçon qui a disparu, a des côtés négatifs, des côtés excessifs, où certaines fois elle va être cruelle, notamment avec son mari qui essaye pourtant de l'aider, qui fait tout son possible pour la soutenir. Et je pense que c'est, en fait, je pense que c'est humain d'avoir des défauts, sinon on serait un petit peu en milieu. Si tout le monde était parfait, il y aurait l'histoire. De toute façon, les histoires de base, elles vont reposer sur un problème. Et après, on va essayer de résoudre le problème. Mais il faut qu'il y ait quand même des problèmes pour qu'il y ait des histoires. Bien sûr. Dans le chapitre 14, Amanda reçoit un étrange cadeau. Elle croit savoir de qui ça vient, mais finalement, la personne qui lui a envoyé ce cadeau n'est pas celle à qui elle pense. Du moins, nous avons l'impression que ce n'est pas celle à qui elle pense. Donc c'est encore un mystère qui vient s'ajouter en plus des mystères qu'il y a déjà dans l'intrigue. Donc là aussi, tu voulais encore plus embrouiller le lecteur, entre guillemets, même à travers un simple envoi de colis par la poste. Oui, bien sûr. Bah, je voulais montrer encore une fois que l'intrigue, enfin que l'enquête pour la disparition de cet enfant n'est pas simple et qu'il y a beaucoup plus derrière et que la première, on va dire, motivation du coupable, ça va être d'anéantir sa victime et du coup d'anéantir le personnage principal d'Amanda. D'accord. Avant d'aller plus loin, je te propose de nous lancer dans une nouvelle pause musicale que tu as choisie à nouveau et que nous écoutions une chanson que j'aime beaucoup également, c'est Le Géant de Papier de Jean-Jacques Lafont. Une nouvelle fois, tu es habitué désormais au niveau des références. Cette chanson est sortie en 1985, me semble-t-il, et est tirée de l'album Le Diable au cœur de Jean-Jacques Lafont, du coup. Et donc, on écoute cette chanson avec Jean-Jacques Lafont avec son célèbre titre Le Géant de Papier, que je pense tout le monde a déjà entendu au moins une fois. Et on se retrouve juste après cette chanson d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable et pourtant je suis un géant de papier. Quand je la Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Donc du coup, nous sommes toujours dans À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Lafont avec son titre Le géant de papier et notre invité est toujours présente au téléphone. Il s'agit de Laura Vaisseau pour son roman Dessine-moi un enfant. Donc est-ce que tu passes un bon moment avec nous, Laura ? Oui, très bien. Je passe un super moment, je suis ravie. Parfait. Tu connais la question qui va suivre. Pourquoi cette chanson de Jean-Jacques Lafont ? Je trouve que c'est une déclaration d'amour magnifique. Pour moi, c'est ma chanson d'amour préférée. Et je trouve qu'il y a des très belles paroles, des très belles images, un très beau texte. Et ça renvoie aussi à mon amour aussi de l'écriture, dans le sens où... l'écriture, pour moi, c'est aussi de créer des belles images, de créer des beaux mots, de provoquer des sentiments. Et j'adore les chansons à texte, je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Je regrette un petit peu que de nos jours, il y en ait un petit peu moins. On est des fois des chansons qui ont pas tellement de profondeur, mais encore une fois, ça fait écho à la chanson One Million Dream où pour moi on est toujours plus fort quand on est entouré et je le dis et je le répète, j'aurais jamais pu arriver là où j'en suis sans soutien donc de mes proches, de ma famille, de mes amis, donc merci. Et J'adore les chansons d'amour, c'est peut-être mon petit côté fleur bleue qu'on retrouve pas trop dans Dessine-moi un enfant qui s'y prête pas trop, mais dans le suivant que je suis en train d'écrire, que je suis en train de corriger, il y a cette exploration du sentiment amoureux un petit peu plus que dans Dessine-moi un enfant. D'accord. Alors à un moment dans l'ouvrage, nous avons un chapitre consacré à un nouveau personnage. Donc, si tu ne sais pas forcément à quel personnage je fais référence, tu comprendras avec la suite de la question. C'est le narrateur qui raconte l'histoire. Donc, elle n'eut pas de mal à repérer les lieux. Elle était déjà venue avant. Fin de citation. Donc là, je pense que tu vois de quel personnage je veux parler. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Comment ça, elle était déjà venue avant en tant que ce personnage, entre guillemets, ou en tant que personne lambda, entre guillemets toujours. Là aussi, une nouvelle enquête, pourtant en rapport avec l'enquête principale, vient pimenter le tout. Donc là aussi, c'était ton objectif de faire intervenir un nouveau personnage qu'on ne connaît pas ou qu'on ne pense pas connaître pour qu'il puisse encore plus, on va dire, rajouter du piquant à l'intrigue. Oui, tout à fait. C'était pour que l'enquête se complexifie et encore une fois qu'Amanda passe de plus en plus pour une folle aux yeux de tous, même aux yeux de sa propre famille, de son mari, il la croit plus. Et c'était justement le but de la détruire psychologiquement pour que qu'elle dise, qu'elle affirme par la suite, même quand elle même quand elle dit la vérité, ne soit plus crue par qui que ce soit. Même pas par la police. C'est ça, même pas par la police qui a l'impression qu'il a affaire à une tarée qui ne sait plus ce qu'elle raconte. C'est ça, à tel point que la police va prendre une décision, on va pas dire laquelle pour ne pas spoiler une nouvelle fois, mais qui va prendre une décision qui va être totalement injuste envers le personnage d'Amanda. Oui, tout à fait, oui. Et donc, dans ce même chapitre où ce mystérieux personnage apparaît, le mot vengeance revient à plusieurs reprises. Là aussi, une question se pose, vengeance à propos de quoi ? Un nouveau suspense est à nouveau installé. Donc, nous comprenons une nouvelle fois que ton envie de faire tourner, on va dire, en bourrique, les lecteurs est bel et bien présente. Donc, pourquoi est-ce important pour toi d'instaurer, je pense connaître la réponse, mais pourquoi est-ce important pour toi d'instaurer du suspense dans un roman ? Je pense que le suspense, c'est ce qui va justement nous pousser à continuer le livre, ce qui va nous tenir en haleine. Et pour moi, c'est très important, surtout dans un roman policier, où ça va être le cœur, on va dire vraiment le cœur de l'intrigue. Ça va être le suspense, l'atmosphère de plus en plus angoissante. Donc, c'est simplement pour tourner les pages et qu'on ait toujours envie d'en savoir plus. Et justement, j'ai distillé plusieurs fois des petites phrases comme ça. On se dit, tiens, une vengeance, mais qui envoie Amanda? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui en veuille? Tiens, c'est bizarre. Et du coup, je pense assez naturellement, moi, quand je lis des livres où l'auteur titille ma curiosité et me donne envie de savoir le pourquoi du comment, pourquoi les personnages font ça, qui est derrière la situation, ben, certaines fois, je prends le bouquin et je lis pendant des heures et le monde extérieur disparaît. Donc pour moi, c'est un petit peu le but d'un livre, c'est de se plonger dans un univers, dans une atmosphère, et ça commence par le suspense. Dans le genre polar, thriller, c'est le gros de l'intrigue. Après, dans d'autres genres, on va tenir le lecteur par d'autres moyens, mais il y aura quand même ce petit côté suspense, même si ça sera moins grandiose que dans un roman policier. Donc d'ailleurs, plus tard dans l'intrigue, encore un nouveau mystère vient agrémenter les autres mystères déjà présents dans la dite intrigue. Ce nouveau mystère commence avec les deux lettres que reçoit Eric Pilton. Une nouvelle fois, ce mystère concerne quelque chose sans grande importance à première vue. Donc quand tu as écrit ton ouvrage, ton but était-il de faire comprendre aux lectrices et aux lecteurs que parfois même les plus petites choses peuvent cacher quelque chose de beaucoup plus grand? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le mantra de ce fameux Eric Pilton, du commandant dans la police. Il dit il faut faire attention aux détails. C'est une phrase qu'il dit et qu'il répète. Et c'est aussi ce que je pense dans une intrigue policière. En général, on ne voit pas une montagne qui nous dit bah tiens, la montagne indice, bah, ça va être la solution. Non, ça va être des petites touches qui vont comme à la manière d'un puzzle, qui vont former des pièces et petit à petit on va reconstituer le puzzle et on va découvrir la solution, on va découvrir ce qui se cache derrière. Et oui, pour moi, les détails, c'est la clé. D'ailleurs, si les lecteurs ou les futurs lecteurs veulent essayer de résoudre le mystère avant, il faut écouter le mantra du commandant. Faites attention aux détails. C'est dans les détails que se cachent les clés de l'intrigue. Mais effectivement, comme l'intrigue est assez complexe, avec un certain nombre de personnages, un certain nombre d'intrigues secondaires entremêlées, qui sont évidemment reliées à l'intrigue principale, on peut être peut-être un petit peu perdu, ne pas savoir exactement qui est derrière tout ça. Mais ça, c'était à 100% le but. Je me suis vraiment amusée à créer des fausses pistes. C'est un des intérêts majeurs du roman policier. Le coupable ou la coupable ou les coupables semblent vraiment s'amuser avec les policiers et avec nous, lecteurs. D'ailleurs, dans le même chapitre que celui de la réception des lettres que reçoit du coup Eric Pilton, on se rend compte que, comme le personnage de Eric Pilton, nous non plus n'avons pas été forcément très attentifs, bien que nous étions plongés dans l'histoire. On a même l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc là aussi, ça rejoint tout ce que tu disais, qu'il faut vraiment être attentif à tous les petits détails, tous les petits indices disséminés ici et là, afin de comprendre du coup ce qui se passe réellement dans le livre. Oui, tout à fait. Pour moi, j'ai un peu raisonné, comme Agatha Christie, qui des fois arrivait vraiment à mettre des clés de l'intrigue très rapidement dans son roman. Après, évidemment, ça se complexifie, il y a plein de choses qui se passent, donc on va oublier ou passer à côté de certaines clés, mais pour moi, le début est quand même riche en indices pour la suite. Donc si vous aimez un petit peu jouer les Sherlock Holmes, auditeurs et auditrices qui nous écoutent, bah, je peux vous conseiller de lire attentivement, d'essayer de voir entre les lignes, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va se cacher, mais c'est beaucoup plus facile quand on connaît la solution de se dire « Ah, mais oui, d'accord, c'était ça, j'avais pas pensé !» Et oui, tout à fait. Là, on va parler un petit peu du décor, des décors extérieurs du roman. Donc, nous voyons à plusieurs reprises dans ton roman que tu donnes des noms précis de lieux, de bâtiments, de rues de la ville de Lyon. Donc, pour trouver tous ces noms, tu as fait des recherches ou peut-être es-tu même toi-même parti sur Lyon pour repérer ces lieux, ces rues pour enrichir ton ouvrage ? Oui, j'ai fait des recherches, je suis allée faire du repérage sur place. J'ai fait aussi des recherches via le fameux outil Google Maps. Hein. Et oui. Je ne vais pas me mentir, pour les noms de rues, je ne les ai pas non plus inventés pour faire les parcours des personnages. J'ai aussi suivi Google Maps, mais je suis allée sur place et à Lyon, donc, dans certains lieux emblématiques, notamment le parc où l'enfant a disparu. Donc, il y a un parc qui existe réellement à Vénissieux. Et également dans la Drôme, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la Drôme et les lieux existent réellement. Après, ils sont évidemment des lieux tout à fait communs où il ne se passe rien de mal, mais je suis allée sur place pour m'imprégner de l'atmosphère du lieu, mais j'ai fait pas mal de recherches sur les lieux pour justement rendre le livre réaliste et qu'on puisse se dire pour ceux par exemple qui connaissent Lyon ou qui connaissent les endroits cités dans la Drôme, se dire ah bah tiens mais oui ça me dit quelque chose, ça me parle, je connais ce lieu, c'est pour moi assez important dans une histoire de fiction qui, quand elle se passe dans le monde réel, dans notre monde actuel, d'être assez précis sur les endroits. Donc là, justement, une question me vient en tête. Donc, dans la Drôme, donc, au niveau de Clancé, est-ce que, justement, le fameux gîte qui se trouve là-bas, il existe du coup réellement aussi ? Le fameux gîte existe. Il s'appelle aussi la Salamandre Bleue. En fait, du coup, je trouvais que cette coïncidence était rigolote. Il n'est pas à Clancé, par contre, il est mince. J'ai perdu le nom, il est à 10 minutes de là-bas, mais évidemment, c'est un gîte tout à fait ordinaire, très charmant, avec des personnes charmantes qui donnent vraiment une impression de soleil et de bonne humeur. Mais je trouvais assez rigolo qu'il y ait un gîte du même nom et qui fasse écho à mon histoire. C'est pour ça que j'ai réutilisé un nom existant, mais évidemment... Évidemment, rien de négatif ne se passe là-bas. C'est un gîte tout à fait sympa où il fait bon de passer un week-end, de passer quelques jours de vacances. Bien sûr. Donc, à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez faire passer un petit week-end ou des vacances dans ce gîte, la Salamandre Bleue, et que vous avez lu ce roman juste avant, ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à vos progénitures. Voilà. C'est sûr, oui, tout à fait. Du coup, à la fin d'un certain chapitre, on ne va pas donner le numéro du chapitre en question pour donner envie de lire l'ouvrage entier et non pas que le chapitre en question. On comprend enfin le titre « Dessine-moi un enfant » et nous comprenons que toute cette histoire est, ma foi, plutôt sordide. Donc, je me risquerais même à dire qu'on comprendrait presque l'illustration de la couverture dont on parlait au début de cette émission et que finalement, le titre « Dessine-moi un enfant » n'est qu'une métaphore. Donc, en essayant de ne pas... raconter ce qui se passe dans l'intrigue. Est-ce que j'ai vu juste là-dessus ou pas ? Oui, bah tout à fait. C'est une illustration de ce qui va arriver au petit garçon. Et en fait, dessine-moi un enfant, il faut le prendre de façon très, très pragmatique et premier degré, parce que c'est plus ou moins ce qui va se passer dans l'histoire. Bon, évidemment, pas avec un simple dessin, mais... Ça donne des indices. Et effectivement, la couverture avec ce côté double de l'enfant, là aussi, c'est un indice pour la suite et pour ce qui s'y passe avec la véritable raison de pourquoi cet enfant a disparu. D'accord, ok. Donc une nouvelle fois, avant de poursuivre cette émission littéraire, ma foi, très intéressante, je te propose de nous lancer à nouveau dans une pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, Grand Corps Malade, en duo avec Louane et leur titre Derrière le brouillard. Pour donner à nouveau les références, cette chanson est sortie en 2020, elle est plutôt typée slam pour Grand Corps Malade et pop pour Louane, et est tirée du 7e album studio de Grand Corps Malade,

Vous êtes de retour sur Radio Gemozo dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Derrière le brouillard de Grand Corps Malade en duo avec Louane. Et vous êtes toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Laura Vaisseau qui est là pour nous parler de son ouvrage Dessine-moi un enfant. Tout va toujours bien pour toi ? Je suis très contente de faire cette émission. Je suis vraiment ravie. Parfait. Donc, même question que pour les précédentes pauses musicales. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Donc là, ça va être le petit côté bande-annonce. Comme je disais au début d'émission, je suis en train de travailler sur un feel-good. Donc là, qui va avoir pour thème principal la musique. Et ça parle d'une jeune aide-soignante qui rêve de devenir chanteuse et qui va être aidée par un vieil homme complètement atypique et très sarcastique, pardon, qui va la pousser dans ses retranchements et la pousser vers ses rêves. Et quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit mais oui, c'est vrai que c'est ça. Il parle de tous les deux, Louane et Grand Corps Malade, de leur amour pour la musique, de ce que représente la musique et le chant pour eux, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon second roman qui est encore en phase de préparation, qui est en phase de correction, donc j'espère qu'il sortira bientôt, je pense plutôt l'année prochaine, plutôt 2022 pour avoir le temps de le finir et de le peaufiner, mais ça sera un style très différent du style thriller et où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'oppression avec Dessine-moi un enfant et une machination où on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ça va être plus sur l'exploration des émotions et ce duo très, très différent avec un vieil homme qui va avoir là pour le coup des punchlines assez drôles et assez piquante, et une jeune fille qui, elle, est assez introvertie et qui va évoluer pour aller vers ce qu'elle aime et ce qu'elle désire vraiment. D'accord. Donc nous n'en avons pas encore parlé, mais dans ce roman, il y a également un personnage qui s'appelle Josiane. Et donc, dans les passages de l'ouvrage où Josiane est en fuite, car à un moment dans l'ouvrage, elle sera en fuite, on ne va pas dire pourquoi, on ne va pas dire comment, on ne va rien dire de tout cela pour éviter de spoiler. Donc, quand Josiane est en fuite, nous ne savons pas encore qui est les coupables, mais nous pouvons déjà constater un certain acharnement sur Josiane, sans malheureusement de réelles preuves. On peut donc remarquer une certaine injustice envers le personnage de Josiane. Donc, c'est ce que tu voulais retransmettre, cette injustice, et si oui, pourquoi avoir voulu retransmettre cette injustice sur le personnage de Josiane ? J'ai voulu transmettre justement l'injustice parce que je pense que certaines fois, on va s'orienter vers la piste la plus facile avant de comprendre ce qui est plus complexe et ce qui est plus caché. Et c'est un peu comme le poème de La Fontaine qui dit, je crois que c'est des animaux malades de la peste, qui dit à la fin, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et là, cette fameuse Josiane, donc, qui est à la base l'amie d'Amanda, donc l'héroïne du livre, elle est dans la position un petit peu de faiblesse, donc elle va être accusable facilement. Je pense que la plupart des lecteurs vont douter de sa réelle implication dans le livre. C'est le but. Le but, c'est vraiment de montrer que au départ, on va à la facilité parce que le complexe et l'inimaginable et l'inadmissible, c'est quelque chose qui est qu'on ne veut pas accepter. Donc, on choisit au départ la facilité, mais au cours du livre, on voit bien qu'au final, la police va quand même essayer de creuser plus loin pour savoir qui est véritablement derrière tout ça. Et peut-être que, et se demander, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être que la première personne à laquelle on a pensé n'est peut-être pas la personne qui est véritablement derrière la disparition de cet enfant. D'accord. Dans l'ouvrage, donc Dessine-moi un enfant, il y a plusieurs chapitres concernant Josiane et son tortionnaire, dont on ne citera pas le nom pour ne pas gâcher la surprise. Beaucoup d'éléments, comme on le disait, semblent accabler Josiane, mais au fur et à mesure, les doutes ont plutôt tendance à se tourner vers le tortionnaire de cette dernière. Il en fait tellement qu'on peut en venir à penser que finalement, elle n'a rien à voir là-dedans, contrairement peut-être à ce tortionnaire. Nous pourrions dire, pour reprendre une expression bien connue, que les mouches ont changé d'âne. Donc est-ce que c'était ton but de, on va dire, de diriger les soupçons du lecteur sur ce fameux tortionnaire? Oui, oui, bah tout à fait. Qu'on se dise, enfin que le lecteur se dise, mais l'autre, enfin le personnage de Josiane, on se dit qu'elle est victime malgré tout dans la situation, qu'il y a peu de chances qu'elle soit la véritable coupable. Après, évidemment, on apprend la vérité au cours du livre, si oui ou non elle est coupable, mais l'idée c'était d'insister aussi sur le côté un petit peu brebis de cette fameuse Josiane et le côté loup du tortionnaire, qui, on peut le voir au fil de l'histoire, n'est pas un personnage qu'on apprécie. C'est plutôt un personnage où... J'imagine qu'un certain nombre de lecteurs se disent « celui-là, j'aimerais bien qu'il disparaisse vu les actes violents ou rabaissants qu'il peut faire. » Mais c'était vraiment mon but de créer un personnage détestable pour accrocher aussi les lecteurs, qu'on se dise « mais non, on veut aider ». Ceux qui ont plutôt la casquette de gentil, et on voudrait que ceux qui ont du coup plutôt la casquette de méchant payent. Et c'est quelque chose qui est très très rigolo, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'écrire les scènes du point de vue du méchant, parce que c'est souvent les scènes où il y a le plus de tension où du coup le lecteur va trembler et va être... angoissé, va vouloir savoir la suite pour savoir si le personnage qui est ciblé va pouvoir s'en sortir. Et c'est juste génial, ça. Donc justement, comme tu dis, tu voulais rendre ce fameux personnage détestable. Et je pense pouvoir dire sans trop de crainte que tu as réussi à le rendre détestable. Car je sais que de mon côté, je détestais ce personnage. Dans l'intrigue du roman, à un moment, un personnage, ma foi, inconnu apparaît. Personnage appelé le Corbeau. On se doute bien que c'est un pseudo, mais en essayant de ne pas trop spoiler, avec le recul, ce fameux corbeau, ou plutôt le personnage qui se cache derrière ce pseudonyme, a été là un long moment en tant que personnage lambda, entre guillemets, avant l'apparition dans l'ouvrage du corbeau. Donc était-ce ton objectif de nous montrer ce personnage lambda, presque de nous familiariser avec ce personnage pour finalement qu'on ne se rende compte que plus tard qui il est réellement? Je voulais aussi que le livre se passe en plusieurs temps et qu'on ne rentre pas tout de suite dans les véritables agissements, enfin le véritable sens du complot et ce fameux corbeau qui va être en fait à la tête, qui va être le grand méchant, on va dire, de l'histoire. Je voulais qu'au départ, c'est un peu comme une sorte d'entonnoir où on va ratisser large et au fur et à mesure, ben on va se rendre compte de la vérité. Mais c'est pour ça que mon intrigue et mon histoire est beaucoup plus complexe que ce que le résumé, la quatrième de couverture peut laisser entrevoir. Il y a plusieurs sous-intrigues, on va dire, qui vont être liées, qui sont liées à l'intrigue secondaire et qui vont s'expliquer et se dénouer par la suite. Et le personnage du corbeau, pour moi, c'était aussi important qu'on se demande, tiens, est-ce que c'est un personnage que j'ai déjà vu avant? Est-ce que c'est un nouveau personnage? Comme ça, il y a le doute dans l'esprit du lecteur. Surtout que de par sa position, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais de par sa position, la position du coup du personnage lambda, entre guillemets, qu'il est plutôt bien placé pour savoir ce qu'il en est de toute l'avancée de l'enquête. Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Il a accès à un certain nombre d'informations. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut qu'il va pouvoir manipuler les événements et à son avantage. Mmh. Et manipuler aussi celle qui fourre un peu son nez partout, donc à savoir notre héroïne, l'héroïne de l'histoire, la fameuse Amanda qui ne veut rien lâcher, veut vraiment savoir ce qui est arrivé à son fils et dans la mesure du possible le retrouver. Et surtout que là aussi, avec le personnage du corbeau, il faut être très attentif parfois aux détails, comme on disait tout à l'heure, presque insignifiants, car si on est bien attentif et si on fait une certaine manipulation, on va dire entre guillemets, nous pouvons deviner qui est ce corbeau dès que le corbeau apparaît, du coup. Oui, tout à fait. On peut très très rapidement voir les indices qui sont dissimulés pour dès qu'on a la mention, on va dire, du nom du corbeau, on a aussi des indices qui accompagnent cette mention. Et si on est très attentif, effectivement, on peut deviner rapidement qui est derrière cette identité secrète, au final. Mmh. Moi, je sais que j'ai personnellement réussi à deviner qui était le corbeau avant même que tu dises dans l'ouvrage qui il est. Ah bah c'est bien, déjà ça veut dire que tu as eu une lecture attentive et que tu as vraiment fait attention aux détails. Dans certains cas, oui. je le cache pas, c'est vrai. Du coup, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Que dire sur cet ouvrage ? Tout simplement, je trouve personnellement qu'en lisant cet ouvrage « Dessine-moi un enfant », nous nous attachons à chaque personnage sans prendre en compte leur caractère. La fin de l'intrigue est une fin très surprenante, mais à la fois tellement logique quand on remet en ordre tout ce qu'on a pensé dans la lecture et tout ce qui s'est passé dans la lecture. On passe par plusieurs sentiments, la joie, la haine, la tristesse, la colère, l'envie de frapper certains personnages. Je pense que tu vois de quel personnage je veux parler. Oui, tout à fait. La fin du roman est, je trouve, une jolie fin. Ce n'est pas une vie parfaite pour les personnages de Amanda et Marc suite à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais nous pouvons imaginer que ça ne pourra aller que vers le mieux pour leur famille. En quelques mots, je conseille vraiment cet ouvrage à nos auditeurs et auditrices si ils et elles aiment les histoires remplies de suspense. Car oui, cette histoire est remplie de suspense. De plus, il est disponible sur les grands sites de vente en ligne. Certes, il fait près de 700 pages, mais on ne les voit pas passer, pour être honnête. Donc on est tellement happé par l'ouvrage et par l'intrigue qu'on, comme c'est marqué derrière, un vrai page-turner. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti également en lisant cet ouvrage. Je me suis même surpris à lire l'ouvrage de 700 pages en peu de temps, peut-être en une semaine à peine. Donc franchement, je trouve que c'est un très bon roman que tu t'as bien écrit. En fait, voilà, c'est une réussite selon moi, je trouve. Ah bah merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est vrai que j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et j'ai essayé de rendre l'enquête à la fois complexe, mais à la fois simple, on va dire, à comprendre. Pour moi, c'était très très important que toutes les portes qui ont été ouvertes au cours de l'histoire soient refermées avant le dénouement. C'est vrai que certains livres, parfois ne vont pas le faire. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que l'univers comme ça de Dessine-moi un enfant peut sembler assez sombre. Et je sais qu'il y a certains thèmes, notamment le fait que ça touche un enfant, qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment souvent les gens, et notamment les femmes, plus particulièrement les femmes qui ont des enfants. Mais moi, je tiens à le dire, mon but, c'était pas de faire un livre sur la torture des enfants. C'était pas ça mon message. Mon message, à travers ce livre, il y en a trois, en fait. Il y a l'amour, déjà, donc l'amour, on va dire, d'un parent pour son enfant, mais globalement l'amour en général, parce que l'amour nous pousse à faire beaucoup de choses. Il y a la détermination qui accompagne un petit peu l'amour, mais qui, à travers le combat d'Amanda, donc la mère de l'enfant, va montrer que on peut toujours aller plus loin dans la vie, donc que ce soit dans cette situation-là, mais ça peut être aussi vers nos rêves, ça peut être vers quelque chose de plus concret. On peut y arriver, si on met de l'énergie, on y arrive. Et il y a une troisième thématique donc on n'a pas tellement abordé parce que ça révèle beaucoup de clés de l'intrigue, mais c'est la thématique de l'éthique, de savoir jusqu'où on a le droit d'aller, jusqu'où on peut, on va dire, manipuler la nature. Et je trouvais que c'était intéressant de soulever cette question. Comme ça, le lecteur, bon, non seulement va être dans une intrigue avec pas mal de rebondissements, où il y aura du suspense, une atmosphère assez angoissante, mais derrière, je trouve que c'est important quand on écrit un livre, qui n'est pas seulement juste l'intrigue, qui est derrière des messages qui ressortent et qui restent, parce que ce qui reste dans un livre, quand on l'a lu depuis un certain temps, c'est souvent on va dire les émotions et les messages que le livre a essayé de nous transmettre. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ce roman. Et j'espère vraiment que cette émission avec toi, Christopher, ça aura donné envie à nos auditeurs et nos auditrices de découvrir Dessine-moi un enfant. C'est mon plus grand souhait. Et j'espère peut-être pouvoir échanger avec certains d'entre vous sur ce livre. Donc justement, si nous voulons te retrouver pour suivre l'avancée de tes ouvrages ou tout simplement pour discuter, échanger avec toi, comment est-ce que nous pouvons faire ? Alors j'ai deux comptes sur les réseaux sociaux, donc qui vont s'appeler pareil, bon, sur Facebook et Instagram. C'est Eskimo. Bon, ça ne va pas s'écrire comme un Eskimo traditionnel. C'est le début de esquisser, donc E-S-Q-I, et mot, M-O-T-S, parce que pour moi, écrire, c'est en quelque sorte, c'est dessiner avec les mots. Donc, c'est de là que j'ai tiré le nom de mes pages, on va dire, sur les réseaux sociaux, avec là où je vais pouvoir échanger avec les lecteurs. D'accord, bah, du coup, le message est passé de toute façon en podcast avec cette émission que je publierai début de semaine prochaine. Je mettrai justement tes deux comptes, donc ton compte Facebook et ton compte Instagram en podcast de cette émission. Comme ça, les auditeurs et auditrices, et peut-être futurs lecteurs ou lectrices, on espère, puissent te retrouver directement en cliquant sur le lien. Donc, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs. Donc, je te remercie une nouvelle fois, Laura, d'avoir accepté mon invitation. Bah merci à toi, Christopher. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, d'échanger à travers d'échanger sur ce livre et d'échanger sur l'écriture en général, parce que pour moi c'est véritablement une passion et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai en faire mon métier pour faire découvrir mon univers à un grand nombre de lecteurs. Un plaisir partagé. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, une autre romancière, Linda Da Silva, qui sera là certainement par téléphone pour nous parler de son ouvrage, Le souffle du bonheur. Et on se retrouve également dès lundi, même si c'est férié, à 8h et 13h30, dans votre chronique La Christoire des auteurs, pour un nouveau voyage à travers la vie et l'œuvre d'un tout nouvel auteur ou d'une toute nouvelle autrice. Mais je vous laisse la surprise. Et on se retrouve toujours lundi à 14h en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Claire Chauffel, qui sera là pour nous parler de son entreprise, Claire with a K. Et ça fait beaucoup, mais c'est très bien. Donc merci encore à toi, Laura, d'avoir accepté. Et merci à toi, Christopher. Et je vous dis à très bientôt. Donc au revoir tout le monde. Merci beaucoup.